Le magasin d'antiquités, tome 1er, chapitre 28. Le sommeil pesa si longtemps sur les paupières de Nelly qu'à l'heure où l'enfant s'éveilla, Mistress Jarley était déjà debout, déjà décorée de son grand chapeau, et activement occupée de préparer le déjeuner. Elle accueillit de fort bonne grâce les excuses de Nelly pour s'être levée si tard et lui dit qu'elle ne l'eût pas réveillée, quand bien même elle eût dormi jusqu'à midi. « Il vous était nécessaire, ajouta-t-elle, après votre fatigue, de dormir tout votre compte et de vous reposer complètement. C'est encore un grand privilège de votre âge de pouvoir jouir d'un sommeil aussi profond. « Est-ce que vous avez passé une mauvaise nuit, madame ? » demanda Nelly. « J'en ai rarement d'autres, mon enfant, répondit Mistress Jarley de l'air d'une martyre. « Je ne sais pas comment je peux supporter ça. » Se rappelant les ronflements qu'elle avait entendus sortir de l'espèce de cabinet où la propriétaire des figures de cire avait passé la nuit, Nelly pensa que Mistress Jarley avait rêvé qu'elle était éveillée. Cependant, elle lui exprima son regret d'apprendre que l'état de sa santé fût si fâcheux. Peu après, elle se mit à déjeuner avec son grand-père et Madame Jarley. Le repas achevé, Nelly aida la dame à laver les tasses et les plats et les remit en place. Ses soins domestiques une fois terminés, Mistress Jarley drapa sur ses épaules un châle de couleur extrêmement éclatante pour aller faire une tournée par les rues de la ville. « La caravane va porter les caisses à ma salle, dit-elle, et vous pouvez en profiter, mon enfant, pour vous y rendre. Je suis obligée, bien contre mon gré, d'aller à pied dans la ville. Mais le public attend cela de moi, et les personnes qui ont un caractère public ne sont pas maîtresses de leur volonté quand il s'agit de ces choses-là. Comment me trouvez-vous, mon enfant ? » Nelly répondit de manière à la contenter, et Madame Jarley, après avoir enfoncé une grande quantité d'épingles dans les diverses parties de sa toilette, après avoir fait bien des efforts inouïs mais infructueux pour se voir par derrière, finit par se montrer satisfaite de sa tournure et s'éloigna d'un pas majestueux. La caravane la suivit à une assez courte distance. Tandis que la voiture était cahotée par le pavé, Nelly regardait à travers la fenêtre pour voir les endroits où l'on passait, craignant, à chaque coin de rue, que le visage redouté de Kilp ne vînt à lui apparaître. La ville était belle et spacieuse. Il y avait un square ouvert que la caravane traversa lentement. Au milieu se trouvait l'hôtel de ville, avec un beffroi surmonté d'une girouette. Il y avait des maisons de pierre, des maisons de briques rouges, des maisons de briques jaunes, des maisons de lattes et de plâtre, et des maisons de bois, la plupart très vieilles, avec des figures frustes taillées au bout des solives, qui regardaient d'en haut ce qui se passait dans la rue. Ces dernières maisons avaient de très petites fenêtres, presque sans lumière, et des portes cintrées, et, dans les rues les plus étroites, elles surplombaient entièrement le trottoir. Les rues étaient très propres, très claires, très désertes et très tristes. Quelques flâneurs stationnait auprès des deux auberges de la place, vide du marché et des boutiques. Au seuil d'une maison de charité, des vieillards sommeillaient dans leurs fauteuils. Mais c'est à peine s'il y avait quelques personnes qu'on vit aller de côté et d'autre avec l'air d'avoir un but. Et si, par hasard, il en passait une, le bruit de ses pas se prolongeait encore quelques minutes après sur le bitume bouillant du trottoir. Il semblait qu'il n'y eût dans la ville que les horloges qui allassent, et encore elles avaient des cadrans si endormis, de lourdes aiguilles si paresseuses, des timbres si fêlés, qu'elles devaient évidemment être en retard. Les chiens eux-mêmes étaient tout assoupis, et les mouches, ivres de sucre fondu, dans les boutiques des épiciers, oubliaient leurs ailes et leur vivacité pour aller se calciner au soleil dans le coin de la vitre poudreuse des croisées. Après un long trajet, accompagné d'un bruit inaccoutumé, la caravane arriva enfin et s'arrêta au lieu de l'exposition. Nelly descendit devant un groupe d'enfants ébahis qui la prenait aussi pour un des nombreux items du musée de curiosités, et on aurait eu bien de la peine à leur faire entendre que son grand-père ne fut pas, comme elle, un chef-d'œuvre de mécanique en cire. Les caisses furent déchargées sans encombre et emportées avec grand soin pour être ouvertes par Madame Jarley, qui les déballa, assistée de Georges et d'un autre homme en culotte de velours, avec un chapeau de feutre gris orné de billets d'entrée. C'étaient des festons rouges, franges et baldaquins, destinés à la décoration de la salle. Tous se mirent à l'œuvre sans perdre de temps et avec une activité prodigieuse. Comme l'admirable collection était cachée encore par des toiles, de peur que la poussière ennemie ne gâtât le teint de ses personnages, Nelly s'empressa de contribuer aussi de son mieux à la décoration de la salle, et son grand-père lui-même ne resta pas inactif. Les deux hommes, qui avaient l'habitude de ce genre de travail, firent promptement beaucoup de besogne. Madame Jarley, qui portait toujours sur elle à cet effet une poche de toile semblable à celle des percepteurs de taxes au péage des routes, en tirait des pointes qu'elle distribuait à ses aides en même temps qu'elle encourageait leur ardeur. Pendant l'opération, on vit paraître un gentleman fluet, au nez crochu, aux cheveux noirs. Il portait un surtout militaire écourté, étroit des manches, qui avait été autrefois couvert de passementeries et de brandebourgs, mais qui aujourd'hui était tristement dépouillé de ses ornements et usé jusqu'à la corde. Il avait aussi un vieux pantalon gris collant et une paire d'escarpins arrivés bientôt au terme de leur existence. Il se montra sur le seuil de la porte et sourit d'un air affable. En ce moment, Madame Jarley lui tournait le dos. Le gentleman, à la tournure militaire, fit de l'index signe au satellite de Madame Jarley de ne pas informer la dame de sa présence. S'étant glissé doucement derrière elle, il lui donna une petite tape sur le cou et continua la plaisanterie en criant « Bouh !»« Eh quoi, monsieur Slum ?» dit vivement la propriétaire des figures de cire. « Bon Dieu, qui se serait attendu à vous voir ici ?»« Sur mon âme et mon honneur, » dit monsieur Slum, « la réflexion est juste. »« Sur mon âme et mon honneur, » La réflexion est judicieuse. Qui se serait attendu à cela? Georges, mon brave ami, comment va la santé? Georges accueillit cette démonstration amicale avec une indifférence marquée, et tout en répondant qu'il allait assez bien comme ça, il continua de jouer du marteau tout le temps et d'enfoncer ses pointes à tour de bras. Je suis venu ici, dit le gentleman à la hussarde en se tournant vers Madame Jarley. Sur mon âme et mon honneur, je serais bien embarrassé de vous dire pourquoi j'y suis venu, car je ne le sais pas moi-même. Je sentais le besoin d'une petite inspiration, d'un petit rafraîchissement d'esprit, d'un petit changement d'idée. Et sur mon âme et mon honneur, s'écria le gentleman à la hussarde, en s'interrompant et regardant autour de lui, voilà qui est diablement classique. Ma foi, Minerve n'aurait pas mieux fait. Je pense, en effet, dit madame Charley, que cela ne fera pas mal quand ce sera achevé. Pas mal, s'écria monsieur Slum. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, c'est le bonheur de ma vie de penser que je me suis frotté à la poésie pour m'exercer sur cet admirable thème. À propos, vous n'avez pas d'ordres à me donner? Il n'y a pas quelque petite chose à faire pour vous? Ça revient si cher, monsieur, répondit madame Charley, et réellement, je ne vois pas que cela soit bien profitable. Chut, chut, dit monsieur Slum en levant sa main. Pas de plaisanterie, je ne pourrais supporter cela. Ne dites pas que cela n'est pas profitable. Ne dites pas cela, je sais le contraire. Eh bien non, je ne crois pas que cela soit bien profitable, répéta madame Charley. Ah ah, s'écria monsieur Slum, vous n'y êtes plus, vous battez la breloque. Allez donc demander au parfumeur, allez demander au fabricant de cirage, allez demander au chapelier, allez demander au directeur des bureaux de loterie. Allez leur demander à tous et à chacun ce que ma poésie leur a valu. Et retenez bien mes paroles, il n'y en aura pas un qui ne bénisse le nom de Slum. Pour peu qu'il soit honnête homme, il lèvera les yeux au ciel et bénira le nom de Slum. Retenez bien ça. Vous connaissez l'abbaye de Westminster, madame Charley? Sans doute. Eh bien, sur mon âme et mon honneur, vous y trouverez, dans un angle de ce sombre pilier qu'on appelle le coin des poètes, des noms bien moins célèbres que celui de Slum. En disant cela, le gentleman se frappa la tête d'une manière expressive pour indiquer qu'elle contenait une certaine quantité de cervelle. Il ajouta, en ôtant son chapeau, qui était rempli de morceaux de papier, « J'ai là une petite bluette, oui, une petite bluette, écrite dans un moment d'inspiration. J'ose dire que c'est ce qu'il vous faut pour mettre la ville en feu. C'est un acrostiche. Pour le moment, le nom du destinataire est Warren. Mais l'idée est transmissible, ou plutôt elle est faite tout exprès pour Charley. Prenez-moi cet acrostiche. C'est peut-être très cher, dit la dame. « 100 sous, dit monsieur Slum, tout en se servant de son crayon en guise de cure-dent. « Moins cher que de la prose. « Je ne pourrais pas en donner plus de 3 francs. « Et 10 sous, répliqua-t-il. « Allons, 3,50. » Madame Charley ne put résister aux façons persuasives du poète et monsieur Slum enregistra sur un petit carnet la somme de 3,50 francs. Puis M. Slum se retira pour aller modifier son acrostiche en prenant congé de la dame dans les termes les plus affectueux et promettant de revenir le plus tôt possible avec une belle copie pour l'imprimeur. Comme sa présence n'avait ni dérangé ni interrompu les préparatifs, ils étaient déjà très avancés et furent achevés bientôt après son départ. Quand les festons et guirlandes eurent été disposés avec toute l'élégance désirable, la prodigieuse collection fut découverte. Alors, sur une plateforme élevée de 2 pieds au-dessus du sol, tout autour de la salle, avec une corde cramoisie à hauteur d'appui pour les séparer du public indiscret, apparurent diverses figures brillantes de personnages illustres, les unes isolées, les autres en groupe. Elles étaient revêtues de costumes éclatants de tous les pays et de tous les siècles. Elles se tenaient plus ou moins d'aplomb sur leurs pieds. Les yeux étaient tout grands ouverts, leurs narines très gonflées, les muscles de leurs jambes et de leurs bras très prononcés. Leur physionomie générale exprimait une vive surprise. Tous les messieurs avaient la poitrine bombée et la barbe extrêmement bleue. Toutes les dames avaient des tailles merveilleuses. Ces messieurs et ces dames avaient tous les yeux fixés sur rien et semblaient contempler avec une attention profonde le vide. Lorsque Nelly eut épuisé les formules de l'enthousiasme qu'elle avait éprouvé à la première vue de ce spectacle, Madame Jarley ordonna qu'on la laissât seule avec l'enfant. Alors, elle s'assit au centre, dans un fauteuil, s'arma d'une baguette d'osier dont elle se servait depuis longtemps pour montrer les figures, et se mit en devoir d'instruire Nelly de son rôle. L'enfant ayant touché d'abord la première figure de la plateforme, « Ceci, dit Madame Jarley du ton solennel qu'elle employait pour ses démonstrations publiques, ceci vous représente une infortunée fille d'honneur de la reine Élisabeth, qui mourut des suites d'une piqûre au doigt pour avoir travaillé un dimanche. Remarquez le sang qui coule de son doigt. Remarquez aussi le trou doré des aiguilles de ce temps-là. » Nelly répéta deux ou trois fois cette leçon, apprenant à toucher quand il le fallait le doigt et l'aiguille. Puis elle passa à la figure suivante. « Ceci, mesdames et messieurs, dit Madame Jarley, vous représente Jasper Packlemerton, d'atroce mémoire, qui courtisa et épousa 14 femmes, et les fit périr toutes en leur chatouillant la plante des pieds, tandis qu'elles dormaient dans la sécurité et dans l'innocence de la vertu. Quand il fut conduit à l'échafaud, on lui demanda s'il regrettait ce qu'il avait fait. Il répondit que oui, qu'il était bien fâché d'avoir tué ses femmes d'une mort si douce et qu'il espérait que tous les époux chrétiens voudrait bien le lui pardonner. Puisse cet exemple servir d'avertissement à toutes les jeunes filles pour qu'elles prennent bien garde au caractère du mari qu'elles choisiront. Remarquez que les doigts sont courbés comme pour chatouiller et que Jasper est représenté clignant de l'œil, selon l'habitude qu'il en avait contractée chaque fois qu'il commettait ces meurtres barbares. Lorsque Nell fut assez au courant de l'histoire de M. Packlemerton pour pouvoir la dire sans se tromper, Madame Jarley passa au gros homme, puis à l'homme maigre, puis au géant, puis au nain, puis à la vieille dame qui mourut pour avoir dansé à 132 ans, puis à l'enfant sauvage qui vivait dans les bois, puis à la femme qui empoisonna 14 familles avec des noix confites et bien d'autres personnages historiques ou qui auraient dû l'être si on leur avait rendu justice. Nelly mit à profit ses instructions et elle sut si bien les retenir que, pour être restée seulement enfermée une couple d'heures avec la dame, elle se trouva parfaitement familiarisée avec tout l'historique de l'établissement, digne enfin de servir de cornac à toutes les figures de cire ou de cicérone aux visiteurs. Madame Jarley témoigna vivement la satisfaction que lui causait cet heureux résultat, et elle mena sa jeune amie, son élève chérie, voir les dispositions prises aux portes. Là, on avait converti le passage en un bosquet de draps de billard où figuraient les inscriptions dont nous avons parlé précédemment, dues au génie de M. Slum, ainsi qu'une table richement ornée qu'on avait placée à la partie supérieure pour Madame Jarley elle-même. C'était de ce trône que Madame Jarley devait présider à tout et recevoir l'argent de la recette en compagnie de Sa Majesté, le roi Georges III, de M. Grimaldi le clown, de Marie Stuart, la reine d'Écosse, d'un gentleman anonyme de la secte des Quakers et de M. Pitt, tenant à la main un modèle exact du bill pour l'impôt des portes et fenêtres. À l'extérieur, même soin. On voyait dans le petit portique de l'entrée une nonne d'une grande beauté récitant son chapelet, tandis qu'un brigand, avec une chevelure des plus noires et un teint des plus pâles, faisait en ce moment une tournée dans la ville en Tilbury, un portrait de femme à la main. Il ne restait plus qu'à distribuer judicieusement les compositions de Slum, quand communiquaient les fusions pathétiques à toutes les maisons particulières et aux gens de commerce, à répandre dans les tavernes et faire circuler parmi les clercs de procureurs et autres beaux esprits de l'endroit la parodie commençant ainsi. Si j'avais un âne assez bête. Quand tout cela fut fait, quand Madame Jarley eut visité en personne les pensionnats avec un prospectus, composé expressément à leur intention, et dans lequel on prouvait d'une manière péremptoire que les figures de cire ornaient l'esprit, perfectionnaient le goût et élargissaient la sphère de l'intelligence humaine, cette infatigable dame se mit à table pour dîner et but un coup de sa bouteille suspecte en l'honneur de la belle campagne qui allait s'ouvrir.